À l'occasion du 20e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti Travail de Corée et du 62e anniversaire de la fondation du Parti Travail de Corée, les masses médias iraniens et russes ont fait des éditions spéciales avec le portrait en sourire du général et les photos des grands hommes Bektusan. L'agence de presse iranienne ILNA a caractérisé la politique du Parti Travail de Corée comme politique d'indépendance, de songun et de vertu. Il a expliqué avec les faits à l'appui. Les journaux russes Serup i Molot d'octobre, Zavtra, Nizhegorodskaya Pravda numéro 69 et Komsomolskaya Pravda, le journal internet du territoire de Khabarovsk Zibri Devi et la revue internet Rimchiti ont présenté divers écrits, notamment Kim Jong-il et ses exploits immortels dans l'édification du parti, l'invincible parti travail de Corée, et la République populaire démocratique de Corée célèbre les 70 ans du Parti travail de Corée avec l'arme nucléaire qui maîtrise les États-Unis.